La Radio Parfaite, la web radio du Printemps des Arts de Monte-Carlo, vous propose d'entrer dans la discothèque de Denis Raisin d'Adre. Non mais ça, les disques que je vais faire entendre, c'est des disques qui sont dans ma discothèque en fait. C'est à la fois des choses que j'ai achetées, quelquefois des choses qui m'ont été données. C'est aussi des choses que j'ai pu ramener lors de voyages ou d'échanges que j'ai pu faire avec Douce Mémoire. Donc je dirais que c'est un peu tout et n'importe quoi. Ça, c'est vraiment assez typique, oui. C'est tout et n'importe quoi. C'est vrai qu'on a un champ d'écoute qui s'est énormément ouvert par rapport à ce qui pouvait exister, je ne sais pas, il y a 70 ans, ou même avant. Enfin. Parce qu'on a une telle possibilité d'accès à des musiques tellement diverses. Et on voit ça dans la jeune génération, d'ailleurs. Ils sont capables d'aimer du couperin comme du heavy metal. C'est assez étonnant, d'ailleurs. Donc moi, c'est assez large, mais ce n'est pas assez large pour faire bien. C'est parce que souvent, il y a aussi ça. Parce qu'on entend quand même beaucoup de gens qui, quand ils parlent de musique classique, sont obligés de se justifier, de s'excuser presque. Vous savez, j'aime Mozart, mais vous savez, j'aime beaucoup le jazz aussi. Donc c'est toujours cette histoire de s'excuser d'aimer la musique dite classique. Moi, je m'excuse de rien. J'aime la musique de qualité. Or, elle se trouve un peu dans toutes sortes de styles, la musique de qualité. Kill my dream. Alors, ce que nous entendons, c'est de la musique d'Ouzbékistan. C'est chanté par cette immense chanteuse qui s'appelle Monajat Yushelva. Et pour moi, ça, c'est un souvenir parce qu'en fait, on avait été invité par le festival de Saint-Florent-le-Vieil à partager un concert avec cette grande dame. Et C'est un souvenir d'une émotion incroyable, parce que la puissance de cette femme sur une scène, c'est quelque chose d'absolument tellurique. C'est une très belle femme, elle a une très belle stature, elle chante évidemment par cœur, et elle se donne complètement, et on avait un sentiment de... surtout de sincérité absolue quand on l'écoute chanter. Moi, c'est une musique qui me touche beaucoup, c'est une musique que je trouve magnifique. J'adore cette façon de passer d'une note à l'autre, pas du tout comme chez nous, par ton, par demi-ton, mais ça fait tous les glissandi possibles et inimaginables. C'est extrêmement riche rythmiquement. Et puis, c'est une musique qui est complètement ancrée aussi dans une tradition qui m'est chère, qui est la tradition soufie, donc avec un lien très, très puissant avec le religieux, mais pas le religieux de l'islam, mais vraiment le religieux des confréries soufis, qui sont représentants vraiment de, on ne peut plus, de la tolérance. Et pour moi, ce qu'on écoute là, c'est vraiment une survivance de ce qu'est un art quasiment millénaire. Enfin, moi, je trouve ça très, très puissant. Voilà combien de jours, voilà combien de nuits, voilà combien de temps que tu es reparti. Tu m'as dit cette fois, c'est le dernier voyage. Pour nos cœurs déchirés, c'est le dernier naufrage. Au printemps, tu verras, je serai de retour. Le printemps, c'est joli. Se parler d'amour, nous irons voir ensemble les jardins refleuris et déambulerons dans les rues de Paris. Dis, quand reviendras-tu? Dis, au moins le sais-tu? Que tout le temps qui passe ne se rattrape guère, que tout le temps perdu ne se rattrape plus. Le printemps s'est enfui. Depuis longtemps déjà, craquent les feuilles mortes, brûlent les feux de bois. À voir Paris si beau dans cette fin d'automne, soudain je m'alanguis, je rêve, je frissonne. Je tangue, je chavire, et comme la rengaine, je vais, je viens, je vibre, je tourne, je me traîne, ton image m'entraîne. Je te parle tout bas, et j'ai le mal d'amour, et j'ai le mal de toi. Dis, quand reviendras-tu? Dis, au moins le sais-tu, que tout le temps qui passe ne sert rattrape guère, que tout le temps perdu ne se rattrape plus. J'ai beau t'aimer encore, j'ai beau t'aimer toujours, j'ai beau n'aimer que toi, j'ai beau t'aimer d'amour, si tu ne comprends pas te faut revenir, je ferai de nous deux mes plus beaux souvenirs. Je reprendrai la route, le monde m'émerveille, j'irai me réchauffer à un autre soleil. Je ne suis pas de celles qui meurent de chagrin, je n'ai pas la vertu des femmes. de marin. Oh, dis, quand reviendras-tu, dis, au moins le sais-tu, que tout le temps qui passe ne se rattrape guère que tout le temps perdu. Attrape plus. Alors c'est bien sûr c'est musique de Barbara, mais chantée par une chanteuse tunisienne qui s'appelle Dorsaf Hamdani. Alors très honnêtement, ça c'est un cadeau qu'on m'a fait, que j'ai laissé très longtemps, comme beaucoup de disques qui sont chez moi, enveloppés. Je ne les ai pas ouverts, quoi. Parce que ça met du temps, quand même. Il faut du temps pour écouter de la musique, hein, si on veut vraiment l'écouter, quoi, si on ne veut pas faire autre chose en même temps. Je l'avais longtemps laissé fermer, parce qu'en général, ce genre de choses est raté. C'est très souvent raté, la reprise. On a quand même eu un certain nombre de choses tout à fait hideuses ces dernières années, de gens qui reprennent des chefs-d'œuvre et qui en font des trucs vraiment d'une vulgarité absolue. Et ça, c'est vraiment très beau. Ça, c'est très beau parce que... Bon, d'abord, elle chante merveilleusement bien. La voix est sublime. Et puis, elle ne rajoute rien dessus, quoi. Une sorte de... On disait il n'y a aucune emphase, en effet. Non seulement il n'y a pas d'emphase, mais une sorte de modestie. Elle s'efface derrière Barbara. Et en même temps, ben, c'est une Tunisienne. Donc, voilà, elle apporte un peu une partie de son langage. Et c'est vraiment très émouvant. Et alors, pour le coup, c'est un vrai hommage à Barbara, ça. Ce n'est pas de la récupération pour se faire de l'argent, comme on le voit trop souvent. C'est une vraie... c'est un vrai hommage. Et donc, voilà, je suis très admiratif. Je ne connais absolument pas qui est cette dame. Je ne sais pas qui a fait ce disque. Je ne connais rien, on me l'a offert, mais je dis bravo. Denis Rézindadre présente sa discothèque à la Radio Parfaite, la web radio du Printemps des Arts de Monte-Carlo. Yes. Alors, c'est Norma de Bellini, bien sûr. Toujours les gens s'étonnent que souvent ils me posent des questions, ils s'étonnent que moi qui fais de la musique du 16e, je puisse m'intéresser au bel canto. Alors, l'histoire, c'est la suivante. Je joue d'un instrument qu'on appelle la flûte canne, qui est le kshakan, qui est un instrument qu'on jouait au début du 19e siècle, à Vienne, exactement à la même époque que Schubert, et qui correspond, pour ceux qui s'intéressent au style mobilier, à ce qu'on appelle au style Biedermeier. Et donc, c'est après le congrès de Vienne, hein, c'est vraiment cette musique qu'on faisait à Vienne, après le congrès de Vienne, où là, vraiment, je pense que les peuples étaient très fatigués des guerres napoléoniennes. Ils avaient envie peut-être de faire de la musique chez eux. Il y a toute une production de musique de salon qui est écrite pour ce kshakan. Et alors, en jouant du kshakan, je me suis aperçu qu'il y avait beaucoup d'airs qui étaient en fait faits sur des airs d'opéra français, du Hérold, par exemple, ou du Boieldieu, mais aussi chez les Italiens, avec du Bellini, quelquefois. Et ça m'a amené à écouter Bellini, qu'à vrai dire, je ne connaissais pas. Je connaissais beaucoup plus Verdi, Puccini, enfin ceux qui sont après. Et j'ai découvert une musique, en fait, qui est merveilleuse. C'est-à-dire que, d'abord, mélodiquement, c'est extraordinaire. Et puis, cet orchestre, ce n'est pas ploum-ploum qu'on dit toujours, quoi. C'est ces arpèges, cette sorte de simplicité, en fait, elle est d'une expressivité merveilleuse. Et ce que j'adore dans la version d'Antonioni, c'est que là, il a vraiment, vraiment, vraiment mis les instruments anciens. Et ça change tous les équilibres. C'est-à-dire qu'on s'aperçoit que les solos au vent, ils sont absolument magnifiques, que les cordes ne sont pas sirupeuses, mais articulées. Et puis moi, j'aime le bel canto, c'est-à-dire avant qu'on arrive au vérisme, c'est-à-dire que les gens ne hurlent pas, ils chantent vraiment légèrement, ils sont capables de faire toutes les coloratures. C'est en fait tout à fait une survivance du XVIIIe siècle, parce que ces gens-là, ils avaient vraiment un pied dans le XVIIIe siècle, bien sûr. Parce que quand on est en 1820, on est né au XIXe siècle. C'est pour ça aussi, au XVIIIe siècle, je veux dire. C'est pour ça aussi que j'adore des gens comme Balzac. J'adore tous les gens qui avaient un pied au XVIIIe siècle et qui ont une période, leur période créatrice au XIXe siècle, parce qu'ils sont ancrés dans la période de leur enfance et de leurs parents. Et c'est la même chose, je trouve, aujourd'hui pour la musique. Quand on voit les gens qui font du Monteverdi en venant de Rameau ou de Handel, en général, je trouve qu'ils se plantent complètement, parce qu'ils oublient complètement que Monteverdi, il est né au XVIe siècle. Et donc, ce serait bien qu'on fasse de la musique du XVIIe avec des gens qui ont une vraie connaissance de la musique du XVIe siècle. Voilà, ça, c'est une parenthèse. Mais toujours est-il que là, moi, Norma, d'abord, ce duo est absolument sublime, avec ces deux femmes qui, en fait, aiment le même homme, mais qui, elles s'en rendent compte qu'après. Mais ce duo est tellement amoureux. Donc moi, j'écoute ça en boucle et ça me fascine complètement. Donc on vient d'écouter, bien sûr, du Schubert, un impromptu. Bon, moi j'ai toujours aimé Schubert parce que... Pourquoi ? Parce que pour moi c'est un des compositeurs les plus importants du 19e siècle. Parce que je pense qu'aussi je suis très... Et je pense que ça va se voir aussi à l'écoute des disques que j'ai choisis. Je crois qu'on n'y peut rien, mais je crois que je suis beaucoup plus attiré par les petites formes que par les grandes formes. Et que s'il y a quelque chose qui me laisse de glace, c'est l'héroïsme en musique. Ça, je crois que je n'y ferai jamais. L'héroïsme en musique ne me fait rien du tout. Les grands mouvements de foule non plus, d'ailleurs. Donc, chez Schubert, il y a toujours quelque chose qui est de l'ordre de l'émotion la plus profonde, mais toujours dite à mi-voix, et c'est d'autant plus touchant. Il y a toujours un côté confession, je trouve, chez Schubert. Et alors, ce que j'aime là-dedans, c'est que moi, je suis un farouche partisan de jouer les musiques sur les instruments pour lesquels ils ont été faits, quoi. Donc, on jouait Schubert au début du 19e siècle, pas sur les grands Steinway américains, mais sur ces merveilleux pianos viennois, dont la mécanique est d'une légèreté insensée, dont le son a tant de couleurs, puisque les graves n'ont strictement rien à voir avec les aigus, et comme aussi leur tessiture est plus courte que les grands pianos modernes d'aujourd'hui, quand vous avez une note aiguë et que c'est la dernière note du clavier, c'est un peu comme le dernier fa de la Reine de la Nuit, quoi. On sent qu'il n'y a pas une quinte au-dessus, quoi. On sent que c'est la dernière note. Donc il y a une tension qui existe, qu'a utilisé le compositeur, et qui n'existera pas dans un grand Steinway, puisque le pianiste va jouer cette note, et on sent très bien qu'il reste au moins 10 notes au-dessus qui existent dans le Steinway, mais qui n'existaient pas dans le piano de Schubert. Et puis, encore une fois, j'aime beaucoup cette relation entre 18e et 19e, c'est-à-dire que évidemment, la technique du piano est tout à fait redevable encore à la technique de clavecin. On le voit très bien dans les méthodes de piano du début du 19e, d'ailleurs. C'est-à-dire que c'est une technique extraordinairement légère et qui est très proche de la façon dont on jouait du clavecin, c'est-à-dire en particulier du rapport du corps au clavier. Il n'y a pas du tout cette puissance du corps, cette utilisation des épaules, enfin, ce qui va faire devenir la grande technique du piano de la fin du 19e siècle. Et donc, moi, j'aime ce sentiment de facilité incroyable qu'on écoute ce piano forte. J'aime ce son qui est coloré, qui est moins puissant, qui est beaucoup plus coloré. Et c'est la même chose quand les gens jouent du piano, d'ailleurs du début du XXe siècle aussi. Le piano de Debussy n'est encore une fois pas le piano contemporain, c'est un autre piano. Donc je soutiens vraiment complètement les quelques personnes qui se battent pour faire entendre ces pianos anciens et qui sont en général absolument massacrés par la critique, qui elle évidemment a des idées totalement préconçues, qui étaient les mêmes qu'on avait sur la musique ancienne il y a 50 ans. On se retrouve exactement avec la même réaction d'ailleurs. Quand les gens ont commencé, Arnoncourt, à faire de la musique ancienne, à enregistrer à 415 avec les instruments anciens, il s'est fait hurler dessus par les critiques musicaux. Et les gens qui font du piano forte se font aussi hurler dessus, alors que ce qu'ils font est mais absolument sublime, courageux, et qui restitue des œuvres dans leur vraie couleur. Donc bravo aux gens qui jouent du piano forte. Should be a girl for every single man. To my great regret, someone has upset heaven's pretty program, for we've never met. I'm clutching at straws just because I may meet him yet. Somebody loves me, I wonder. A host of perfect lovers. times. The first of all was Romeo. That passion isn't cool yet. This world would have a rosy glow if I had been his Juliet. For Anthony, I learned to care. Ah, he was strong and graceful. If other lovers held to pair, that fellow held an ace bull. One time, Harold Lloyd, I thought, was grand in every flashback. To see him, oh, the seats I bought, I wish I had the cash back. 'Twas Big Bill Hart that took his place. He's Western and he's classy. He had an open spaces face, and oh, girls, what a chassis. Then Jackie Coogan came along. He had the others shown up, and to him I will sing this song. As soon as he is grown up, somebody loves me. I wonder who, I wonder who he could be. Somebody loves me. I wish I knew who he could be. Alors qu'au moment où ne pas être insensible à ça, c'est quand même un charme absolument phénoménal. Alors moi, j'adore cette musique-là. Enfin, ça, je trouve, au XXe siècle, alors là, il y a vraiment toute cette musique américaine du début du XXe siècle, c'est vraiment une splendeur. Et ça, ça va rester. Quelquefois, on se demande, il y a des choses, on sent que ça ne va pas rester. D'ailleurs, il y a une chose que j'adore, c'est lire la presse, par exemple, de la fin du XIXe, les critiques musicales de la fin du XIXe, parce que j'ai ça dans ma vieille maison. Et alors, on s'aperçoit qu'ils parlent à longueur de journée de gens dont on ne sait absolument plus qu'ils ont existé. Ces gens qui faisaient les pleines pages de la Revue des Deux Mondes, on sait même plus leur nom, ils ont complètement disparu. Et je pense que ça va être exactement la même chose avec les gens dont on parle à longueur de journée dans la presse aujourd'hui, à longueur de journée sur les ondes. Ces gens vont complètement disparaître parce que, comme une grande partie, ils sont d'une médiocrité absolument colossale. Et les gens de qualité resteront. Ce qui est bien, c'est qu'avec le temps, quand même, ça fait le ménage. Et Gershwin, c'est vraiment formidable. D'abord, la mélodie est merveilleuse, les harmonies sont splendides. Et puis, il y a quelque chose que j'aime beaucoup aussi, c'est qu'il y a un rapport avec la musique ancienne, en fait. Parce que cette chanteuse, d'abord, par exemple, on comprend très bien ce qu'elle dit. Ces gens-là ont un art du dire extraordinaire. Alors qu'aujourd'hui, dans l'opéra, quelquefois, moi, j'écoute, je me demande s'ils chantent en italien ou en tchèque. Quelquefois, je me pose vraiment les questions. Là, on comprend très bien. En plus, les paroles sont délicieuses. Quand elle dit que évidemment, dans le programme de Dieu, normalement, il y avait un homme pour chaque femme et qu'elle n'en a pas encore et que quelqu'un l'aime, somebody loves me, mais voilà, mais c'est qui et quand c'est que je vais le rencontrer? Est-ce que je vais rencontrer le jour de mon anniversaire? Enfin, moi, j'adore aussi les lyrics, les paroles et puis cette orchestration merveilleuse, jazzy, avec ces ricanements, si je puis dire, des instruments avant, enfin, tout ça me remplit, à vrai dire, de joie et je trouve ça très voluptueux. La web radio du Printemps des Arts de Monte-Carlo, la radio parfaite, vous installe dans la discothèque de Denis Raisin d'Adre. L'air vous semble soudain plus léger. C'est comme un frisson qui vous pénètre. Il y a quelque chose de changé. Tiens, tiens, tiens, déjà les feuilles poussent. Tiens, tiens, tiens, ça sent le romarin. Dans le jardin, les lilas se trémoussent et les petites pommes ont déjà le pépin. Tiens, tiens, tiens, les chiens lèvent la patte. Tiens, tiens, tiens, les pans font les pantins. On voit les chasses pour les chais, pour les chattes et les escargots galoper à fond de train. Ah, quelle douceur! La vie vous semble rose, y'a pas d'erreur. Il se passe quelque chose. Tiens, tiens, tiens, on joue de la mandoline. Tiens, tiens, tiens, l'air s'emplit de refrain. Y'a des chansons sur les lèvres des copines et des petits boutons sur le nez des copains. Tiens, tiens, tiens, c'est le printemps qui vient. Tiens, tiens, tiens, les rues semblent en fête. Tiens, tiens, tiens, c'est le nom des gamins. Les charcutiers ont des airs de poètes et tous les coiffeurs ont du poil dans la main. Soupirent les douanières, s'écrient les pharmaciens. Même les pompiers ont le feu au derrière. Les rouquins roucoulent et les bègues ont le béguin. Les vieux gandins ont toutes les audaces, mais il faut bien que vieillesse se passe. Tiens, tiens, tiens, la gaieté me transporte. Tiens, tiens, tiens, je me sens aérien. Mais v'là soudain que l'on frappe à ma porte et je reconnais la voix que j'aime bien. Tiens, tiens, tiens, c'est le printemps qui vient. Alors ça, c'est Tiens, tiens, tiens par Réventura et ses collégiens, Réventura et son orchestre. Alors ça, c'est la musique correspond à peu près à l'époque du Front Populaire. Alors moi, j'adore ça. D'abord, je peux les chanter, je les chante, je me fais des soirées chansons à la maison et Réventura revient toujours. D'abord, il y a quelque chose là-dedans qu'on a beaucoup perdu aujourd'hui. C'est une forme d'insouciance, je trouve, qui a quand même beaucoup disparu de notre époque, sorte de légèreté aussi. Ça, c'est une qualité magnifique, assez française d'ailleurs, cette légèreté. Et puis cette façon de ne rien appuyer, ça aussi, ça m'enchante, parce que cette façon de ne rien appuyer est aussi liée avec une certaine élégance, je trouve. Et puis, musicalement, c'est très bien, parce qu'il collaborait beaucoup avec un compositeur qui s'appelle Misraki, qui est un excellent compositeur, dont les harmonies sont très fouillées. L'orchestre jazzy derrière swing de façon merveilleuse. Les chanteurs ont une diction absolument parfaite. On ne perd pas un seul mot de ce qu'ils disent. Et vraiment, alors évidemment, tout le monde connaît Réventura et son orchestre par « Tout va très bien, Madame la Marquise ». Ça, c'était le titre qui avait fait fureur. Mais je vous invite à écouter, mais tout Réventura, c'est absolument délicieux. En même temps, c'est drôle. Il y en a une qui s'appelle « Le chef d'orchestre n'aime pas la musique », qui est très marrant. Il y en a une qui s'appelle « Je voudrais en savoir davantage », où c'est une sorte d'oie blanche qui sort du couvent et qui aimerait bien vraiment en savoir un peu plus sur les choses du sexe, et qu'elle ne lui a rien appris au couvent. Et elle se demande comment elle va être enfin formée. Enfin, tout ça est d'une drôlerie, d'une légèreté, d'une impertinence. Des qualités que je trouve assez françaises et qui, je trouve, ont pas mal disparu. Yeah. was knackt ihr dir? Hasine dir. Ana yokudur Alors ça, c'est lié aussi à un souvenir, puisque c'est un disque que nous avons enregistré avec l'ensemble Kutsi Ergunner à Istanbul, et en plus dans une église arménienne. Il manquait pas de piquant, si j'ose dire. Donc c'est un disque que nous avons fait, en fait, dont la thématique était la prise de Constantinople, enfin évidemment ce qui avant n'était pas Constantinople et qui est devenu Constantinople en 1453. Et donc dans ce disque, l'ensemble de Kutsi jouait de la musique ottomane, la musique de cour ottomane. Alors ça, c'est un moment dont je me rappelle très bien parce que en fait, c'est, bon, comme très souvent, rien n'est vraiment prévu quand vous travaillez avec des gens qui font de la musique orientale. Et donc ça, c'était vraiment pas prévu. Et puis Kutsi me dit, ah ben, si tu veux, on va te faire quelque chose, tu vas voir. Il y a un thème au début, et ensuite, on va faire un rythme répétitif. Et là, le chanteur, tu vas voir, il va improviser. Il a un texte en main. Et en effet, il n'avait qu'un texte en main, il n'avait pas du tout de musique. Hein. Et il va se mettre à improviser. Et ça, c'est un souvenir vraiment très précis pour moi. Je me vois très bien cet après-midi à Istanbul. On entendait d'ailleurs souvent le chant du muezzin. Il fallait qu'on arrête l'enregistrement. On était dans un vieux quartier d'Istanbul et tout d'un coup, il s'est mis à chanter ce que vous venez d'entendre. Donc, vous voyez, il y a l'introduction musicale et ensuite, il y a ce rythme obstiné. Et tout d'un coup, il improvise et c'est d'une virtuosité, c'est d'une inventivité, c'est d'une puissance extraordinaire. Et ils n'ont fait qu'une prise. Et puis, ils l'ont fait, puis ils ont dit, ben voilà, c'est fini. Et moi, j'étais là, mais je dis, vous êtes sûr, ça va? Enfin, nous, on est tellement habitués à faire plein de prises, les musiciens classiques. Il dit, non, voilà, il a improvisé, c'est bien, voilà, c'est fini, on range, et puis maintenant, on va boire un coup, on va boire un café, et manger des gâteaux, on mange de très bons gâteaux à Istanbul. Et voilà, ça, c'est mon contact avec cette musique ottomane, qui n'est pas de la musique turque, hein, c'est vraiment la vraie différence. La musique ottomane, c'est vraiment la musique de la cour. Hein. Donc c'est une musique qui avait subi toutes les influences, en particulier persanes, alors que la musique turque, c'est vraiment la musique des Turcs qui n'a pas subi d'influence. Et ce concert, ensuite, on l'avait donné au festival, justement, du Printemps des Arts de Monaco. Et donc c'est un très, très, très, très beau souvenir. Et puis l'autre souvenir aussi, c'est que j'ai plus trop envie d'aller au Istanbul aujourd'hui parce qu'on sait très bien les tensions extraordinaires qu'il y a. Et je me rappelle très bien que pendant cet enregistrement, Kutsi Ergunner me disait « Tous les Européens s'enthousiasment pour politiquement ce qui se passe actuellement avec cet islam modéré. » Il me disait, mais les Européens vont s'apercevoir que c'est tout sauf de l'islam modéré. Et il avait raison. Il avait vraiment raison. Alors ça, c'est un cadeau qu'on m'a fait. Il y a quelqu'un à Tours qui s'appelle Michel Dodin qui fait un travail remarquable qui consiste à vraiment faire entendre la musique de Charles Borde et de faire connaître le travail magnifique qu'il a fait au début du 19e siècle pour vraiment restaurer la musique ancienne, car le mouvement de retour à la musique ancienne, en fait, il a commencé dès le 19e siècle. Hein. Déjà dès 1832, il y avait des concerts de musique ancienne à Paris. Et puis, il y a eu tout ce mouvement à la Schola Cantorum, où on a redécouvert le chant grégorien, on a redécouvert la polyphonie ancienne, et autour aussi du prince de la Moscova, on a édité de la musique. Ça correspond aussi à cet intérêt des romantiques pour les châteaux Renaissance et les châteaux médiévaux. Ça correspond aussi, à ce moment, on écrit beaucoup de livrets d'opéra sur des histoires qui sont des histoires qui se passent à la Renaissance et à l'époque médiévale. Enfin, ils confondaient un peu, d'ailleurs, Renaissance et médiévale à l'époque, je crois. Et puis, ce qu'on appelle, en quelque sorte, le troubadour revival. Et en redécouvrant toutes ces musiques anciennes, ils ont retrouvé quelque chose aussi de l'ordre du dépouillement, je crois, qui évidemment était très opposé aux grandes clameurs verdiennes et aux grandes clameurs, évidemment, de Wagner. Et donc ça, c'est une musique qui est peu connue, parce qu'en fait, c'est la musique religieuse de César Franck. C'est le Panis Angelicus. Et moi, je suis très touché par ça. Je trouve que ça a un charme. Alors, d'aucuns diront que j'ai le goût gâté par ces choses qui sont trop sucrées. Mais je trouve que c'est très agréable dans la vie aussi d'être bercé par des choses aussi douces, aussi charmantes, aussi voluptueuses que ça. Et, je comprends qu'on puisse avoir envie de se convertir en écoutant ça plutôt que Jésus revient accompagné à la guitare, quoi. C'est quand même un charme extraordinaire. Harmoniquement, c'est très riche. C'est très bien chanté. Et ben voilà, c'est un disque que j'ai sur mon bureau et que j'ai écouté et réécouté. Et dans ce disque, il y a d'autres gens dont on n'a jamais entendu parler. Du Paul Berthier, par exemple. Il y a du Ropars. Il y a du Paul Lamiro, qui a écrit des cantiques, des vieux cantiques bretons. Et voilà, tout ça, c'est cette musique française du début du XXe siècle, religieuse, et qu'on n'écoute pas et qu'on ferait bien écouter. Denis Rézindadre présente sa discothèque à la Radio Parfaite, la web radio du Printemps des Arts de Monte-Carlo. Thank you. Alors ça, c'est le psaume Si Angoulême du Requiem de Richafort. Alors pourquoi pourquoi un psaume? Parce que dans les Requiem français, c'est un Requiem qui suit la liturgie française, hein, qui ne suit pas la liturgie romaine, comme tous les Requiem au XVIe, au XVIIe siècle. Et donc il y avait à ce moment-là ces psaumes qui étaient chantés, qui ne font pas partie de la liturgie romaine. Alors Richafort, c'est un des compositeurs du début du XVIe siècle. Alors d'abord, j'adore les Requiem parce que j'en ai enregistré deux. J'ai enregistré le Requiem de Ducouroy et j'ai enregistré le Requiem de Févin. J'aime ça parce que bon, ça intervient à un moment important de notre vie, qui est la fin de notre vie, que le texte est absolument sublime, que les Requiem au XVIe sont des Requiem d'espérance, puisque les gens étaient vraiment profondément croyants, et qu'on n'est pas du tout dans les Requiem du XIXe qui agitent évidemment les flammes de l'enfer. Là, pas du tout. On sait qu'on va avoir, en tout cas si on s'est à peu près bien comporté, une belle vie éternelle. Et donc, il y a une lumière tamisée d'une douceur et d'une confiance incroyable. Et puis alors, dans ce Requiem de Richafort, il y a quelque chose de très particulier. D'abord, il est à six voix, ce qui est assez rare. Et surtout, les deux parties du milieu, les deux ténors, sont en canon et ne chantent pas le même texte que le reste des autres chanteurs. Ils chantent une antienne de l'Office des Morts, c'est-à-dire un autre texte. Et là, dans ce Si Angoulême, il y a quelque chose de très étonnant, c'est que tout d'un coup, ils lâchent ce texte pour chanter un texte français. Alors ça, déjà, c'est incroyable, parce que mettre du texte français dans un Requiem, c'est quand même tout à fait, je ne dirais pas révolutionnaire, mais enfin, normalement, le français n'a rien à faire dans le cadre d'une musique liturgique, hein, puisque c'est le latin qui est la langue sacrée. Et surtout, il chante un texte qui est un texte de Josquin des Prés qui dit « C'est d'où leur nom pareil ». Ce qui veut dire que peut-être que ce Requiem aurait été dédié à Josquin des Prés, pour la mort de Josquin des Prés. Et Paul Van Nevel, qui est vraiment un formidable musicien, et qui, comme moi, fait de la musique renaissance, et pour qui j'ai une grande révérence. D'ailleurs, souvent, les gens sont très étonnés à quel point je dis du bien de mes collègues, mais je suis un peu comme ça, mais je dis souvent beaucoup de bien de mes collègues, parce que je suis très respectueux du travail des autres. Vraiment, alors là, Paul, ce disque est une merveille absolue. Moi, j'en ai vraiment les poils des bras qui se hérissent. Il a fait quelque chose de politiquement pas totalement correct, mais en fait, qu'il est. C'est-à-dire qu'en fait, il fait chanter le ténor une octave au-dessus par la soprano. C'est-à-dire que tout d'un coup, cette musique passe à deux sopranos au lieu d'être chantée par un ténor. Et l'effet est prodigieux. Il prend cette liberté-là parce qu'en effet, dans les traités, on dit que quelquefois on peut le faire. Il le fait et c'est très intelligent et c'est très efficace. Et la musique prend une dimension absolument spectaculaire. Donc ce Requiem de Richafort fait pour moi partie des plus grands Requiem de la Renaissance. Avec ceux que j'ai enregistrés aussi, parce que celui de Ducouroy, qui est la fin du XVIe, est sublime, et celui de Févin aussi merveilleux. Alors, je sais pas, moi je ferais bien une intégrale des Requiem peut-être. Alors ça, c'est du Giovanni Croce, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui travaillait à Venise et qui a écrit une œuvre qui s'appelle Les mascherate piacevoli per il carnevale, donc des mascarades pour le carnaval. Et là, on vient d'entendre la mascarade des dames mendiantes. Alors, bon, il y a beaucoup de choses qui me plaisent là-dedans. D'abord, alors, donc, c'est un ensemble anglais qui s'appelle I Fagiolini. Et là, il réussit quelque chose de très difficile, c'est être drôle en disque. Parce que ça, c'est la chose la plus difficile à faire. Être drôle sur scène, ça, c'est tout à fait atteignable et on y arrive. Mais dès que vous êtes devant des micros, vous avez un gros problème, c'est que vous voulez quand même chanter à peu près juste, vous voulez quand même être à peu près respectable, et en fait, tout ce qui a fait le charme de votre interprétation en public s'effondre, parce que tout d'un coup, vous êtes devant des micros. Et les disques ratés d'œuvres drôles, il y en a beaucoup dans les poubelles, hein, je peux en citer beaucoup, dont peut-être certains des miens d'ailleurs. Et là, je trouve qu'il s'est vraiment très très réussi. Et puis, il y a une autre chose drôle dans ces mascarades pour le carnaval, c'est qu'on sait, grâce à un travail d'une musicologue, qu'en fait, il y avait, dans un couvent, c'était les chevaliers de Malte qui s'ennuyaient pendant l'hiver. Parce qu'en fait, ils naviguaient pas pendant l'hiver, parce qu'évidemment, là, vous savez, pendant l'hiver, les mers sont quand même plus agitées. Donc, ces braves chevaliers de Malte s'ennuyaient dans leur couvent. Ils avaient fait construire un théâtre. Et en fait, il faut vraiment imaginer ce que vous venez d'entendre était entendu dans le théâtre des chevaliers de Malte pendant le carnaval de Venise, car on ne s'ennuyait pas à Venise pendant le carnaval. Et le choc entre le Requiem de Richard Ford et les mascarades pour le carnaval, c'est exactement une des signatures de la Renaissance, c'est-à-dire le contraste permanent entre la musique la plus sacrée, auquel on croit beaucoup, parce qu'à l'époque, on n'est pas avec des esprits libres, hein, on n'est pas sous l'époque de Louis XV, hein, on est vraiment religieux, et puis on peut aller s'encanailler vraiment 30 minutes après en allant écouter ces grossières, parce que le texte est quand même extrêmement grossier, avec des sous-entendus extrêmement graveleux, et écrite dans une langue qui n'est pas vraiment d'ailleurs de l'italien, mais qui est plutôt du vénitien. Donc voilà, ça vous a donné une petite idée de ce qu'était le carnaval de Venise au XVIe. Thank you. Alors, ce qui est bien, c'est qu'on est sur une web radio. Je vais pouvoir dire des choses que j'oserais jamais dire ailleurs. Donc, je demande aux auditeurs de se boucher les oreilles, parce que là, vous allez être très choqués. La vérité, c'est que Beethoven m'ennuie. Il m'a beaucoup ennuyé. Vraiment, j'ai beaucoup de mal à accrocher. Et Beethoven m'a été révélé, parce qu'en fait, c'est quand même un très grand compositeur. Ça m'a été révélé quand on a enlevé tout ce que le XXe siècle a mis dessus. C'est-à-dire ces énormes orchestres qui n'ont rien à voir avec les orchestres qui ont créé les œuvres de Beethoven, ces énormes pianos qui n'ont rien à voir avec les pianos qu'a joué Beethoven. Et tout d'un coup, je me rappelle très bien, j'étais étudiant, j'avais entendu les symphonies de Beethoven jouées par Franz Brüggen. Et ça, vraiment, c'est un souvenir extrêmement vif. Ça avait été joué, je me rappelle, à la Sorbonne. Et j'avais trouvé ça absolument génial, alors que Beethoven, en général, m'ennuyait profondément. Alors je pense qu'il y a un gros problème de décapage avec Beethoven, parce que c'est de la musique, on oublie souvent que c'est de la musique du début du 19e, c'est pas de la musique de la fin du 19e, encore une fois, et qu'en 1820 ou en 1830, que sais-je, c'est rien à voir avec 1890, et que les instruments étaient beaucoup plus légers, que les pianos étaient beaucoup plus légers, et que tout ce pathos épouvantable qu'on nous fourre sur Beethoven n'a rien à voir avec ce qu'a connu Beethoven. Alors, qu'on enlève le pathos, qu'on enlève les, je sais pas, 10 violons et qu'on n'en met plus que, comme à l'époque, 2, qu'on met vraiment les instruments du 19e qui n'ont pas de clés, qui ont des timbres beaucoup plus crus. En fait, c'est comme la Sixtine, si vous voulez. Quand vous enlevez le vernis qu'on a mis, que vous retrouvez les vraies couleurs de Michel-Ange, vous voyez vraiment l'œuvre. Donc, moi, j'adore Beethoven quand il est fait comme il était fait à l'époque et qu'on a enlevé le vernis, quoi. Et vraiment, il y a un grand rapport avec la peinture aussi, parce que... C'est quelquefois, on voit de la peinture du XVIe siècle et on s'exclame sur le sfumato, on dit « Ah mais oui, mais ça c'est merveilleux, c'est vraiment comme ça que les gens peignaient », mais pas du tout. Enfin, tout ça, c'est pendant des années, il y a une sorte de vernis opaque qui s'est mis sur les peintures et on a complètement perdu l'acidité, vraiment, pour peut-être même de stridence, la stridence de certains tons qui étaient employés par des gens comme Michel-Ange ou comme Raphaël. Et Beethoven, c'est pareil, c'est-à-dire que si on enlève tout ce vernis qu'on nous a rajouté, ces interprétations pâteuses ou pathos et pâteuses, peut-être que ça va ensemble d'ailleurs, et on retrouve le vrai Beethoven. Alors là, je vote oui pour Beethoven, et là, je trouve ça absolument magnifique, parce qu'encore une fois, Beethoven, ben, il est quand même, il a un pied dans le XVIIIe siècle aussi. Hein. Il n'en est pas loin du tout. La web radio du Printemps des Arts de Monte-Carlo, la radio parfaite, vous installe dans la discothèque de Denis Rézindadre. Thank you. Alors, et bien sûr, tout le monde a reconnu de Richard Strauss, le dernier des quatre derniers leaders de Richard Strauss. Alors là, pour le coup, on est dans une œuvre très connue, mais dans une interprétation qui peut sembler déconcertante pour beaucoup de gens. Mais parce que, je m'excuse de le dire, mais c'est en fait la version qui a été enregistrée par la créatrice de ces quatre derniers leaders. Et évidemment, c'est extrêmement très différent de ce qu'on entend. Donc, c'est Lisa della Casa. C'est un enregistrement de 1953, dirigé par Carl Böhm. Et ça n'a rien à voir avec ce qu'on entend aujourd'hui, où on a totalement transformé cette musique comme une sorte de célébration de la dernière œuvre du dernier grand compositeur post-romantique, en faisant une sorte de célébration pathétique de la fin d'un style, en étirant les tempi de façon absolument incroyable, en ralentissant absolument tout, à tel point que les interprètes sont obligés de changer la place des paroles pour pouvoir respirer. Et en fait, tout le monde écoute ses œuvres en se disant, voilà, là j'écoute la vraie version. Et en fait, c'est pas du tout vrai. C'est-à-dire que ça a été complètement changé parce qu'on est dans une époque où vraiment, je pense qu'il y a l'influence d'Hollywood sur absolument tout. On voit très bien ça d'ailleurs au cinéma, où la musique, quand vous allez au cinéma, est devenue tellement forte que bientôt, il va falloir venir avec des boules-cuillesses. Donc aujourd'hui, il faut que tout soit fort, lent et sombre. Il y a aussi un amour du sombre aujourd'hui extraordinaire, parce que tout ce qui est un peu clair, par exemple une voix claire, est considéré comme une voix moche. Alors il faut que ça soit sombre et donc évidemment inaudible, incompréhensible. C'est-à-dire que la plupart du temps, on ne comprend rien à ce que disent les chanteurs, puisque en fait, on leur demande de tuber, hein, c'est vraiment le terme, pour avoir une sorte de son extrêmement rond qui fasse du bien à nos oreilles. D'ailleurs, j'ai jamais vu un seul vendeur de matériel pour écouter de la musique qui vous disent, ah, vous allez voir ça avec ce matériel, les sons seront plus clairs. Ils vous diront toujours, ça va renforcer les graves et ce sera plus sombre. Donc là, on est dans une interprétation qui respecte tout simplement la volonté du compositeur. Et moi, ça me touche parce que je trouve qu'il n'y a pas de surcharge pathétique. C'est-à-dire qu'on écoute vraiment la musique. On a vraiment... Alors c'est peut-être ma culture renaissance qui veut que j'aime bien écouter la polyphonie. Là, j'entends tout. Je comprends cet orchestre, et puis je suis désolé, mais moi j'aime bien qu'on respecte les vœux d'un compositeur et qu'on ne lui torde pas le cou pour l'adapter au goût de notre époque, qui d'ailleurs ne brille pas toujours par le meilleur goût. Donc voilà, c'est les quatre derniers leaders dans une interprétation qu'on va qualifier de, comment dire, responsable et respectueuse. Soy del sur, siempre al amor vuelvo a vos con mi deseo, con mi temor. Quiero al sur, su buena gente, ce qu'on vient d'écouter, que je trouve absolument magnifique, sort d'un album qui s'appelle Buenos Aires Madrigal, du tango argentin et des madrigaux italiens, qui est fait par l'ensemble La Chimera. Alors, il y a beaucoup de ce genre de projets qui sont vraiment des tartes à la crème totalement ratées et qui inondent le marché, qui consistent à mélanger tout et n'importe quoi et qui donnent les résultats qu'on a avec la cuisine... des USA, par exemple, où vous mettez en gros une pizza sur une choucroute, c'est-à-dire partir du principe que le fait de mélanger les cultures donne obligatoirement des résultats intéressants. On entend beaucoup ça aujourd'hui. Ça donne souvent des résultats extrêmement ratés, mais qui sont assez à la mode et qui peuvent plaire. Mais là, c'est incroyablement réussi. Parce que ces gens-là, ces Argentins, ce sont des musiciens extraordinaires. Et ils ont pris l'idée, par exemple, de rajouter du bandoneon dans du Monteverdi. Et c'est extraordinairement réussi, mais c'est tellement réussi que, par exemple, ils font dans ce disque des madrigaux de Cyprien Deror, qui est donc un des grands musiciens de la première moitié du XVIe siècle italien. Et c'est les viols qui jouent le madrigal, et le bandoneon fait une sorte de commentaire, comme on faisait au XVIe siècle, ce qu'on appelait la quinta vox, c'est-à-dire la voix rajoutée, qui était une voix improvisée. Et c'est d'une telle intelligence, et c'est tellement bien fait, que je pense qu'eux, ils sont encore plus proches musicologiquement que tous les gens qui font de la musique ancienne. C'est très intelligent, c'est très bien fait, c'est très musical, c'est un respect total pour ce qu'ils ont fait. Et là, dans ce qu'on entend, c'est donc du piazzolla, mais c'est accompagné par des instruments anciens. C'est des viols de gambe, c'est des théorbes, c'est des luths. Et du coup, le son de ces instruments, qui ne sont pas des instruments modernes, apporte une sensualité absolument extraordinaire à cette musique qui par ailleurs, confine absolument au sublime. Et moi, je peux écouter ça en boucle pendant des heures, et je trouve ça extrêmement émouvant. Mais encore une fois, ça fait partie de cet album Buenos Aires Madrigal, qui est pour moi une réussite totale. Thank you. Alors ça, c'est du Luca Barenzio, un des grands madrigalistes de la fin du XVIe. Et là, on est en plus dans son neuvième livre de madrigal. Et c'est interprété par la Veneziana. Une interprétation magnifique et surtout qui est fait a cappella, c'est-à-dire que, comme il se doit, c'était sans doute la chose la plus difficile à faire, c'est-à-dire chanter du madrigal qu'avec des voix, hein, puisqu'on est à l'époque où le continuo, l'accompagnement au clavecin n'est pas encore apparu. On est avant Monteverdi, bien sûr. Alors il y a plusieurs choses là-dedans qui m'ont fait choisir cette pièce. Bon, d'abord, c'est un texte de Pétrarque, magnifique, qui a été mis en musique par beaucoup de compositeurs. Et il y a cette première phrase qui est absolument insensée, qui est une montée d'une gamme chromatique par demi-ton. Et donc on monte toute la gamme chromatique et puis on la descend. C'est simplement ça, mais qui est complètement révolutionnaire à l'époque et qui traduit vraiment la souffrance, hein, le sentiment de déstabilisation, hein, puisque solo e pensoso, seul et pensif, et donc qui traduit extrêmement bien ça. On est arrivé à une forme, le madrigal, qui arrive dans ces derniers retranchements, c'est-à-dire qu'on est à la fin du XVIe siècle, et on sent qu'il va se passer quelque chose. C'est-à-dire que on est tellement allé loin dans l'exploitation de cette forme, on a écrit des choses tellement sublimes qu'il va se passer quelque chose, et que la forme, elle va exploser, et elle va exploser très peu de temps après avec Monteverdi, dès 1603, 1605, qui va complètement bouleverser cette forme et qui va la révolutionner. Denis Rézindadre présente sa discothèque à la Radio Parfaite, la web radio du Printemps des Arts de Monte-Carlo. Alors là, c'est le magnifique et fort connu ensemble, le Hilliard Ensemble, qui est vraiment un ensemble anglais avec tout ce que ça comporte de qualité propre aux ensembles vocaux anglais, je trouve. En particulier un son magnifique, qui a enregistré ce disque qui s'appelle Officium, qui est connu, hein, c'est un disque qui a eu beaucoup de succès, mais pour une fois, c'est un succès qui a vraiment ses raisons d'être. Et donc ils se sont adjoints la participation de Yann Garbarek, qui joue du saxophone. Donc ce qu'on vient d'entendre, c'est du Cristobal de Morales, hein, ce grand compositeur espagnol qui a fait une partie de sa carrière en Espagne, mais aussi en Italie à la Chapelle Sixtine. Compositeur que je connais parce que nous, on avait enregistré les Leçons de ténèbres de Morales. C'est vraiment, pour le coup, un vrai compositeur espagnol. C'est-à-dire qu'il n'a pas fait comme Victoria sa carrière en Italie. C'est un vrai espagnol, donc il y a une sorte de, comment dire, de sévérité, de cette tenue qu'ont les Espagnols et qu'a la musique espagnole de cette époque-là. Il y a une vraie tenue, quelque chose d'un peu sombre, je trouve, que j'aime beaucoup aussi, et quelque chose de profondément mystique aussi. Et puis alors, ce saxo, alors là, pour le coup, c'est un projet totalement réussi aussi et qui dénote par rapport à toutes les horreurs ratées qu'on entend souvent, parce que ce saxophoniste, qu'est-ce qu'il fait? Il improvise quelque chose au-dessus de cette musique de Morales. Et en fait, il est dans la tradition du XVIe siècle. Encore une fois, il improvise ce qu'on appelle les quinta vox, c'est-à-dire une voix en plus improvisée. Mais il le fait dans un style, je trouve, d'une intelligence incroyable, parce qu'il ne nous fait pas du jazz, il ne nous fait pas de la musique de la Renaissance, il nous fait du Garbarek, et c'est tout simplement beau, quoi. C'est magnifique, il n'écrase pas la musique, il s'enroule voluptueusement, je trouve, autour de cette polyphonie. Et je trouve que le mélange est merveilleux, le son est sublime. Alors moi, je suis vraiment très, très admiratif de ce qu'il fait, parce que dans ce genre de projet, on a souvent des choses qui sont de véritables impostures. J'irais même plus loin, souvent d'impostures nauséabondes. C'est-à-dire qu'on nous fait croire qu'on nous fait, par exemple, de la musique indienne, alors qu'on nous fait vraiment du pire musique qui ressemble plus à une sorte de carnaval indien. Et là, par exemple, on nous fait écouter de la musique Renaissance avec un saxophoniste contemporain, et c'est sublime, quoi. Donc, respect total, admiration pour ce disque qui s'appelle Officium par le Hilliard Ensemble. Thank you.

Alors ça, c'est de la, ça, c'est ce qu'on appelle la musique Nanquan. C'est une musique qui a été classée par l'UNESCO patrimoine immatériel de l'humanité. Et ça fait partie des musiques les plus anciennes de l'humanité, puisque ça date de la dynastie Tang, donc on va dire 7e au 9e siècle en Chine. C'est une musique qui m'a été révélée à Taïwan, parce qu'on a monté avec Douce Mémoire un projet qui m'a permis d'aller plusieurs fois à Taïwan et même d'y monter donc, un spectacle avec la troupe Hang Tang Yue Fu, dont l'interprète, c'est ce que nous d'entendre, sa directrice, c'est elle qui chante dans ce disque. C'est une musique vraiment qui nous fait voyager pour le coup très très loin dans le temps. C'est la musique qu'on interprétait à la cour de l'empereur de Chine. Et ce qui est fascinant là-dedans, c'est le rapport au temps, rapport à la lenteur. Ça a été d'ailleurs la chose la plus difficile pour nous quand il a fallu travailler avec eux. Par exemple, quelquefois, un morceau, pour vous dire, ça dure un disque entier, quoi. Pour eux, un morceau peut durer vraiment 50 minutes, 60 minutes, ça pose aucun problème. Il y a aussi une gestion du temps, de la lenteur, qui est très particulière. Il y a une poétique, je trouve aussi assez extraordinaire dans cette musique. Ce sont des ballades. Et je ne peux pas m'empêcher, en écoutant cette musique, à voir aussi les trésors du musée de Taipei, car comme vous le savez, la cité interdite a été vidée de ses trésors par Chiang Kai-shek, qui a suivi l'avancée des troupes communistes pendant un certain nombre d'années. Il a fini par arriver dans le sud de la Chine, dans le Fujian, et puis ensuite il est parti à Taïwan pour se réfugier, en emmenant avec lui tous les trésors de la cité interdite. Et il y a un musée à Taïwan extraordinaire, dans lequel on présente évidemment tout l'art chinois, et en particulier ses collections de l'époque Tang, et c'est un choc esthétique extraordinaire, parce qu'on ne sait pas trop si on regarde quelque chose du 7e siècle ou quelque chose de contemporain. Tellement, en fait, cet art de l'époque Tang a traversé les siècles. Il y a des formes qui sont extrêmement contemporaines, c'est extrêmement beau. Et je ne peux plus regarder ça sans écouter. Enfin, dans ma tête, j'entends cette musique. Et voilà, c'est quelque chose que connaissent, je pense, très peu les Occidentaux, qui, de la Chine, connaissent en général l'opéra de Pékin, mais qui est vraiment qu'une partie très particulière de la musique chinoise, qui est une musique, je trouve, absolument passionnante. Thank you. La web radio du Printemps des Arts de Monte-Carlo, la radio parfaite, vous installe dans la discothèque de Denis Rézindadre. Alors c'est bien sûr Così fan tutte de Mozart, ce fameux quatuor quintette, quand les deux hommes font semblant de partir et que leurs deux amoureuses leur disent « Tu me promettras de m'écrire tous les jours » avec le cinquième comparse qui dit « Je vais crever de rire », tellement c'est une farce. Et ça, c'est un souvenir précis parce que j'avais entendu... je connaissais ce morceau de Così fan tutte, mais interprété en général beaucoup plus vite. Et l'interprétation d'Arnoncourt avait complètement changé l'approche de ce morceau en le prenant beaucoup plus lent. Et je me rappelle l'avoir été choqué... à la première écoute, comme on l'est tous quand on écoute un morceau qu'on connaît bien et qu'on en change l'interprétation, ce qui explique souvent d'ailleurs les réactions de critiques, enfin qui ne supportent pas de nouvelles interprétations parce que elles viennent en contradiction avec leur habitude. Mais donc j'étais choqué la première fois et ensuite j'ai réécouté et j'ai tout simplement trouvé ça sublime parce que le rythme des trois doubles croches là enlevées qui accompagnent ça tout le temps au début, il y a une sorte de halètement extraordinaire grâce à ce tempo. Et puis on entend plein de choses à ce tempo-là que j'avais pas entendu. Et encore une fois, moi j'écoute la musique avec toujours cette idée de voir en transparence tout ce qui se passe. C'est-à-dire que je n'écoute pas seulement la ligne de chant, je m'intéresse beaucoup ce qui se passe à la basse, je m'intéresse aux voix intermédiaires, je m'intéresse aux contrepoints en sorte. Et c'est comme quand on rentre dans un tableau, moi je suis très reconnaissant... aux personnes qui me font voir dans les tableaux tout ce que j'ai pas vu. Et dans la musique, c'est pareil, il y a plusieurs types d'écoute. Hein. On peut avoir une sorte d'écoute globale, et puis ensuite, on peut avoir une écoute plus raffinée en entrant dans la partition. Et avec ce rythme-là, avec ce tempo-là, j'entends beaucoup plus de choses. Et voilà, et puis donc c'est Arnoncourt qui dirige, et Arnoncourt, on lui... Voilà, très reconnaissant de l'immense travail qu'il a fait... au début avec les cantates de Bach, mais ensuite avec plein d'autres répertoires, pour dépoussiérer, pour enlever le vernis, pour révéler les œuvres. Et il s'est heurté à une opposition farouche d'un milieu très conservateur, parce qu'il ne faut pas oublier que dans le milieu musical, il y a aussi un milieu qui est très conservateur et qui ne supporte pas qu'on déboulonne leur héros. Et Arnoncourt était un homme courageux. Et voilà, moi j'ai un très grand respect pour cet homme, et ce Così fan tutte par lui... me touche énormément. Thank you. Alors, sur un poème de Aragon, j'ai traversé les ponts de C de Poulenc, interprété par Dame Félicité Lotte. Alors déjà, bon, moi j'aime énormément Poulenc. Je crois que j'aime bien la musique française, en fait. J'aime bien la musique française, c'est celle d'ailleurs que j'interprète majoritairement avec mon ensemble Douce Mémoire. Parce que j'aime chez les Français cet art de dire beaucoup avec peu. Voilà. Et sorte de réserve aussi. Il y a quelque chose, on n'est pas des gens du plein sud, on n'est pas des gens du nord. Il y a quelque chose dans notre pays qui est d'ordre de la modération. Et j'aime l'émotion contenue. C'est peut-être pour ça aussi que j'ai un certain tropisme pour l'Asie. Mais j'aime cette émotion contenue. Alors ça, je trouve ça merveilleusement réussi. Le fait de mettre de la musique sur de la poésie, c'est un projet qui a commencé au XVIe avec Ronsard, hein, puisque Ronsard a vraiment demandé aux poètes de mettre ses poésies en musique. Mais là, Poulenc réussit un coup de maître, parce que ce poème d'Aragon est merveilleusement mis en valeur par la musique de Poulenc. Et puis, je suis comme beaucoup de monde, hein, alors là, je ne suis pas quelqu'un de tout original, mais Felicity Lott, cette Anglaise qui chante aussi bien la musique française, c'est vraiment une leçon pour nous tous, parce qu'on comprend parfaitement ce qu'elle dit. Il y a un côté musique ancienne, quelque part aussi, dans sa façon de chanter, parce que c'est quelqu'un qui utilise le vibrato comme un ornement, et pas du tout comme quelque chose qui fait partie intégrante de sa voix, c'est-à-dire qu'elle est tout à fait capable de chanter de façon très droite, de vibrer quand il le faut, ce qui est vraiment l'idéal aussi quand on fait de la musique ancienne. Ce vibrato intempestif et permanent qui maintenant envahit toute la musique qu'on entend, toute la musique classique, est quelque chose d'assez récent en fait. C'était considéré de très mauvais goût encore au 19e, le vibrato permanent. Donc voilà, Dame Félicité Lotte me comble quand elle chante cette musique française. Et il y a à la fois l'élégance française de Poulenc et ce chic absolu des Anglais. Alors, bonheur total. I'm through with love, I'll never fall again. Said adieu to love, don't ever call again. For I must have you or no one. And so I'm through with love. I've locked my heart, I'll keep my feelings there. I've stopped my heart with icy frigid air. And I mean to care for no one. Because I'm through with love. Why did you lead me to think you could care? You didn't need me, you had your share of slaves around you to hound you and sweat with deep emotion, devotion to you. Goodbye to spring and all it meant to me. It can never bring the thing that used to be. For I must have you or no one. And so I'm through with love. Spring and all it meant to me, it can never bring the thing that used to be. For I must have you or no one, and so I'm through with love, and so I'm through. Alors on a tous reconnu Marilyn Monroe, reconnaissable entre toutes, avec ce I'm Through With Love qui me fait penser au film de Woody Allen, parce que je pense qu'on le retrouve quelquefois dans les films de Woody Allen. En écoutant ça, on se dit quel acteur aujourd'hui en 2017 peut se prévaloir d'être un aussi bon acteur que Marilyn Monroe et chanter aussi bien, parce que quand même, elle chante diablement bien cette dame, parce que c'est quand même magnifique, c'est-à-dire que il y a une utilisation des couleurs. Bon, par exemple, cette façon de timbrer la voix, de détimbrer la voix, parce que quand elle laisse passer de l'air dans sa voix, c'est voulu. Ça apporte évidemment quelque chose d'éminemment troublant, d'éminemment sensuel, mais ce n'est pas un défaut chez elle, c'est qu'elle le fait de façon consciente. Cette façon qu'elle a de vibrer très vite, tout d'un coup, et puis de chanter très droit après. Enfin, on pourrait gloser pendant des heures sur l'art du chant de Marilyn Monroe. En est-elle totalement consciente? Je ne sais pas. En tout cas, elle baigne évidemment à une époque où les gens jouaient et chantaient, hein, c'est l'art de la comédie musicale, mais c'est quelque chose qui existait d'ailleurs aussi au XVIe au XVIIe siècle, puisqu'on sait que Monteverdi a remplacé des chanteuses par des actrices, puisqu'on passait du fait d'être sur une scène au fait de chanter insensiblement, hein, il n'y avait pas cette séparation, quelque chose qui existe évidemment en Amérique dans la comédie musicale. Et donc, c'est tout simplement, c'est tout bonnement magnifique. Enfin, Marilyn Monroe, c'est une super chanteuse. Et en plus, c'est d'un érotisme. Enfin, quoi, cette chanson, je trouve ça incroyablement érotique, sensuel, câlin. Il faut écouter ça en buvant un bon chocolat chaud à côté d'une cheminée, quand il fait un peu froid, avec des scones. Enfin, voilà, disons que ça fait partie des bonheurs de la vie. Denis Rézindadre présente sa discothèque à la Radio Parfaite. La web radio du Printemps des Arts de Monte-Carlo. Alors ça, c'est un répertoire qui est très rarement entendu, et très rarement en concert en particulier, qui est un répertoire que les musicologues ont appelé l'art subtilior, qui est ce qu'on peut appeler aussi l'automne du Moyen-Âge, qui est une musique qui a duré fort peu longtemps, qui est des musiques qui succèdent, si je puis dire, à la fin de l'Ars Nova, donc après la mort de Guillaume de Machaut en 1370-77, je crois. Et donc c'est la fin du XIVe siècle. Et c'est vraiment parmi les musiques les plus complexes que l'Occident a faites, je crois, parce que toutes les complexités sont superposées, des complexités rythmiques inouïes, puisque c'est souvent de la musique qui est écrite à trois voix, mais ces trois voix n'ont aucun rapport les unes avec les autres, c'est-à-dire qu'elles marchent toutes à des vitesses totalement différentes, ce qu'on appelle des proportions à cette époque-là, qui donnent un sentiment d'incertitude, de flou, une absence permanente d'appui, un sentiment d'absolument pas savoir où on va, qui est très spécial à cette musique. Une complexité mélodique aussi, puisque les mélodies sont d'une grande étrangeté. Complexité textuelle aussi, parce que les textes sont souvent extraordinairement compliqués, avec beaucoup de références. On est là en face d'une des musiques sans doute les plus aristocratiques qui soient, et qui a été fort mal comprise, d'ailleurs, des musicologues qui ont pensé que c'était tellement compliqué que c'était une spéculation. Alors, la plupart du temps, quand les musiques ne correspondent pas aux attentes des gens, ils disent « Ah, mais ça, les gens ne la jouaient pas, c'est trop compliqué, c'est de la musique spéculative. » Spéculative, ça veut dire qu'elle était pensée, mais pas jouée. Or, bien évidemment, elle était jouée, mais par des gens qui étaient formidablement excellentissimes, parce que pour jouer cette musique, c'est pas plus compliqué. Et l'ensemble Mala Punica, dirigé par Pedro Memelsdorf, je pense qu'il est le premier, peut-être le seul, à avoir révélé cette musique au grand public, parce qu'ils font ça sublimement bien. D'abord, ils ont un niveau technique absolument excellent. Enfin, c'est tellement difficile de faire cette musique que la chanteuse Jill Fellman, qui par ailleurs est américaine, se sort avec vraiment une virtuosité incroyable des difficultés, des pièges qu'il y a dans chaque note. Et nous, on a monté un programme avec cette musique, et je peux vous assurer que je crois que c'est la seule fois où j'ai travaillé pendant une semaine entière avec un métronome, parce que c'est horriblement difficile à faire. Mais quand c'est bien fait, c'est sublime, et quand c'est un tout petit peu fragile, c'est une potion extrêmement amère. Donc c'est pour ça qu'on l'entend très rarement, parce qu'il faut des gens très très forts. Mais c'est vraiment une musique sublime, et c'est une musique qui était jouée aussi à la cour d'Avignon. Donc pour les auditeurs, je leur dis, quand vous allez dans la cour des papes, du palais des papes, en regardant cette cour, imaginez que c'était ça qu'on entendait dans les appartements des papes pendant le grand schisme d'Occident. C'est cette musique-là, une des musiques les plus raffinées et des plus compliquées que, encore une fois, l'Occident a pu inventer. Gentle praise me waft my day. Alors ça m'amuse beaucoup. Quelquefois, je fais entendre de ça des gens qui passent à la maison et je leur dis, mais c'est quoi ça? Alors c'est un peu difficile de trouver. Vous voyez, la musique ancienne amène à tout. Parce qu'en fait, c'est un ensemble de musique ancienne qui s'appelle The Rose Ensemble, qui est venu à Tours faire un concert. Et donc j'avais acheté le disque à cette occasion. Et comme souvent les ensembles de musique ancienne américains, la notion de musique ancienne en Amérique est un peu plus large que la nôtre. C'est tout ce qui n'est pas, je dirais, contemporain. Et eux, ils ont fait à la fois de la musique renaissance du 17e. Et là, ils se sont attelés à faire la musique de la fin du 19e qu'il y a dans l'île de Hawaï. Donc ce que vous venez d'entendre, c'est de la musique hawaïenne de la fin du 19e, souvent d'ailleurs reliée à la musique qu'il y avait dans les missions. Et moi, je trouve qu'ils font ça extrêmement bien. Les paroles, c'est du hawaïen, c'est-à-dire que ce sont des paroles dans lesquelles il n'y a quasiment pas de consonnes, il n'y a quasiment que des voyelles. Ça a un côté un peu tahitien, je trouve, donc on écoute ça. Moi qui ai vécu quand j'étais enfant en Nouvelle-Calédonie, je vois très bien les temples. Voilà, on est habillé pour les femmes avec des robes à fleurs et les hommes en pareo, et on a des fleurs autour des cheveux, il fait chaud et on prend du temps. Surtout, on prend du temps. C'est comme on dit à Tahiti, on est un peu fiouque, on est un peu fatigué parce qu'il fait chaud. Et il y a dans cette musique le charme de ça, c'est-à-dire le charme des tropiques, le charme de l'indolence, le charme d'une certaine lenteur, le charme d'une certaine sensualité, et les ukulélés derrière qui accompagnent. Enfin, moi je trouve ça, je vois pas pourquoi on se priverait de ce plaisir d'écouter cette musique en pensant que c'est contemporain de Brahms. Et ça me plaît beaucoup. Fado menor, meu castigo, meu pecado original, fado menor, meu castigo, meu pecado original. Que trago sempre comigo, sem ter feito nenhum mal. Que trago sempre comigo, sem ter feito nenhum mal. Velhinho, levas a vida, a pedir por quem padece, e quem a sente perdida, confia na tua prece. E quem a sente perdida, confia na tua prece. Saudade, tristeza, amor, em cada nota doente. Saudade, tristeza, amor, em cada nota doente. São preces do cantador, a rezar por toda a gente. São preços do cantador, a rezar por toda a gente. Nenhuma dor já sofrida pode igualar o tormento. Nenhuma dor já sofrida pode igualar o tormento de cantar a dor da vida e morrer de sofrimento. De cantar a dor da vida e morrer de sofrimento. La web radio du Printemps des Arts de Monte-Carlo. La radio parfaite.